Hey chérie, baby, laisse donc ton corps. Viens avec moi, je vais changer ta vie. Tu veux voir Los Angeles, Miami, San Francisco. And if you